Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a adressé une lettre historique pour accroître le rôle de l'Union des Travailleurs Agricoles dans l'accomplissement de la cause socialiste Chuse aux participants à la 8e conférence de l'Union des Travailleurs Agricoles de Corée. En voici le résumé. La 8e conférence de l'Union des Travailleurs Agricoles de Corée sera une occasion importante de faire honneur aux exploits immortels des grands leaders accomplis pour le développement de l'Union, d'accroître le rôle de ces organisations et d'accélérer l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du parti. L'Union des Travailleurs Agricoles de Corée est une organisation politique de masse des travailleurs agricoles socialistes de notre pays, fondée et renforcée sous la direction éclairée des grands leaders, ainsi que la courroie de transmission fiable et l'organisation affiliée du parti. Le président Kim Il-sung a fondé l'Union des paysans patriotiques et révolutionnaires après la libération du pays, à partir de l'idée et de la tradition originale sur l'édification de l'organisation des paysans à la coréenne, élaborée au cours de la lutte révolutionnaire anti-japonaise, et transformé l'Union des paysans en organisation des travailleurs agricoles, au fur et à mesure de l'approfondissement de la révolution et de l'édification. Le général Kim Jong-il a dirigé énergiquement à défendre et faire valoir les idées et exploits du président sur l'édification de la campagne socialiste, de sorte que les organisations de l'Union des Travailleurs Agricoles s'acquittent loyalement de la mission de la formation d'éducation idéologique. Aujourd'hui, l'Union des Travailleurs Agricoles et les Travailleurs Agricoles s'affrontent à une tâche lourde mais honorable de soutenir le programme de transformation de toute la société par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, présenté par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, et appliquer à fond les thèses rurales socialistes pour anticiper la victoire finale de la cause socialiste Chuse. Les travailleurs agricoles sont, tout comme la classe ouvrière, la force principale de l'édification d'une puissance socialiste, et l'agriculture est aujourd'hui le secteur principal de l'édification d'une puissance économique socialiste. Pour remplir ces missions et devoirs assignés devant l'époque et la révolution, l'ensemble de l'Union des travailleurs agricoles doit se transformer par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, car cela est son objectif global, tâche de travail général. Il faut faire de tous ses membres les Kim Il-sungistes, Kim Jong-ilistes véritables et procéder à l'édification de l'Union et aux activités à la manière du président et du général pour se développer à jamais en Union des travailleurs agricoles des grands leaders et du parti. L'Union des travailleurs agricoles est tenue de faire honneur davantage aux exploits de direction des grands leaders et de soutenir fidèlement la direction du parti. Implanter parfaitement le système de direction unique du parti, voilà un gage décisif pour la transformer par le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. Elle doit inviter ses structures et ses membres à appliquer les tâches présentées dans les thèses rurales socialistes du président Kim Il-sung, qui précise le principe fondamental, les tâches et moyens de la solution des problèmes ruraux socialistes, notamment accomplir à fond les trois révolutions idéologiques, techniques et culturelles dans la campagne. L'Union des travailleurs agricoles doit accorder ses efforts primordiaux à accomplir parfaitement la révolution idéologique dans la campagne, ensuite à pousser énergiquement les révolutions techniques et culturelles de la campagne au niveau de la demande de l'édification d'une puissance des sciences et techniques et d'une puissance hautement civilisée. Il faut inviter ses membres et autres travailleurs agricoles à appliquer la politique du parti en matière d'agriculture pour imprimer un tournant décisif dans la production agricole. Les structures de l'Union et les travailleurs agricoles doivent opérer une grande innovation et un grand essor dans la production agricole pour atteindre à tout prix l'objectif de production présenté au 7e congrès du parti et faire de la Corée un pays abondant des céréales, des légumes, de la viande et des fruits. Les organisations de l'Union doivent livrer dynamiquement des mouvements de masse chez les travailleurs agricoles. Organiser les mouvements de masse dans la campagne, voilà leur mission majeure. L'Union des travailleurs agricoles est appelée à faire un grand apport à la lutte pour la réunification indépendante de la patrie et l'émancipation du monde. Il faut endurcir ces organisations et élever leurs fonctions et rôles militants. Les organisations du parti doivent diriger correctement le travail des structures de l'Union et les aider de leur mieux. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré convaincu que les organisations de l'Union des travailleurs agricoles et tous ses membres s'acquitteront à merveille de leur mission et devoir honorable dans le renforcement de l'Union et l'accomplissement de la cause socialiste Chuché.